ぞ。Marshall. Ils ont mis un Marshall juste à l'émission. Screamer, c'est quoi ça? C'est une pédale, non? C'est une distorsion? Un délai. Le même que toi, la psyché délai. Et Screamer, je sais pas ce que c'est, Screamer. C'est quoi Screamer? C'est une distorsion. Ouais. Alors, ah, Phil est là. Phil, tu me disais qu'il faut pas toucher le tap tempo. Mais si, ça marche, regarde. Par exemple, là, mon tempo, il est pas. Il est pas bon. Maintenant, je vais le faire. 1, 2, 3, 4, tac, tac, tac. Et là, il est bon. À 140. Putain, j'arrive pas à le faire comme il faut ce truc. C'est bon hein? Ah! Avec Reaper, tu crois? Alors moi je touche le tap tempo de Psyché Délé, hein, du délai. Là je suis directement sur le délai là. Là il est carré avec le 140 là. Regarde. 2, 3, 4. Ça marche. Par contre, ça sert à quoi le control room là? Ah oui, d'accord. C'est comment tu mets les micros. Et après, il y a. Ah, il y a un truc qui est pas mal, c'est quand tu passes en pédalier. Je sais plus où c'est qu'on fait. Ah voilà, on passe en pédalier. Ah ouais, tu peux couper le screamer. Ah, c'est vachement bien fait avec un pédalier. J'enlève la disto. Ah ça c'est le son normal, sans délai, sans rien. Pas mal le son du Marshall. Et on remet les effets. Est-ce qu'il est resté en tap tempo? Je sais pas. Apparemment ouais. Super hein, ce truc hein. Vous avez un pédalier, vous? Titi, t'as un pédalier, toi? Salut! À bientôt! Dieu. Je suis malade, complètement malade. La batterie marche plus d'un coup, tu vois. Qu'est-ce qui se fait lui? Ouais, d'accord, je suis pas sur le bon tempo. Le vintage rock, c'est bizarre, hein, ces trucs sur EZ là. Je sais pas si t'as vu ça, si vous avez vu ça. Bah, ça va trop vite là. C'est bizarre, ce rythme. Attends, on commence. Un bassiste. À la basse. Il s'appelle Phil. À la guitare, c'est Titi. Et le couillon qui chante. On partira, ouais. Ok. Eh bien, bonsoir. Voici le nouveau groupe de téléphone. Bis. Je vais arrêter parce que je suis malade, j'en peux plus. J'ai la fièvre. J'ai la fièvre dans le sang. Bon, merci les gars, c'est toujours un plaisir de faire de la musique avec tous les deux. Bye los amigos. Et Philippe, envoie le chier à l'autre blaireau, on s'en branle. On s'en fout. Trop tard. Je veux dire trop tard. Allez, bye.